cosmiquement parlant, un homme et une femme, cosmiquement parlant, pas sur le plan matériel, mais dans l'éther, cosmiquement parlant, un homme et une femme font partie de deux aspects d'une même âme. Alors, dans une âme, il y a deux aspects qui donnent à cette âme-là sa polarité. C'est l'accumulation de toutes les vies antérieures de l'homme et de toutes les vies antérieures de la femme, mais transposées, parce que dans le cosmique, tout est transposé. Et c'est justement parce que tout est transposé qu'on n'a pas la mémoire quand on vient au monde. Si les choses n'étaient pas transposées dans le cosmique, on viendrait au monde avec la mémoire de nos vies antérieures. Mais comme tout est transposé, on ne peut pas venir au monde avec la mémoire de nos vies antérieures, parce que quand on vient au monde, on ne peut pas venir au monde avec la mémoire de nos vies antérieures. C'est la vie de l'autre. Autrement dit, si on était mariés, nous autres, on avait la mémoire. Vous viendriez au monde avec la mémoire de mes vies, puis moi, je viendrai au monde avec la mémoire de vos vies. Puis automatiquement, ça apporterait dans votre expérience matérielle des tendances que vous ne pourriez pas vivre sur le plan matériel. C'est pour ça que si jamais vous voyez les gens qui ont de grandes sensibilités, qui ont contact avec leur vie antérieure, vous allez vous apercevoir qu'ils ont toujours des chocs, ces gens-là. Ils souffrent toujours de leur contact avec leur vie antérieure. Parce que le contact qu'ils ont de la vie antérieure, c'est pas leur vie antérieure, mais c'est la vie antérieure de l'autre, et ils ne peuvent pas, au niveau de l'énergie, maintenir un équilibre entre ce qu'ils savent ou entre ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils sont. Parce qu'il n'y a pas de raccordement entre la mémoire cosmique, la mémoire de l'âme et la mémoire planétaire de l'ego. Alors, on a trois mémoires. Il faut que les trois mémoires soient raccordées. La mémoire cosmique, c'est la lumière. La mémoire de l'âme, c'est l'expérience de toutes les expériences de l'ego. Et la mémoire planétaire, c'est l'expérience de toutes les personnalités. La mémoire des personnalités. Et tout ça, il faut que ça soit raccordé. Si l'homme n'était pas la femme et la femme n'était pas l'homme, ce serait absolument impossible sur la Terre de construire une famille. Parce que ce qui attire l'homme à la femme, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'il est. En dehors des structures psychologiques, c'est ce qui attire la femme à l'homme. C'est la même chose. Sans ça, il n'y aura aucune attraction possible. La polarité, elle est toujours dans l'énergie. La polarité, c'est la manifestation de l'énergie. Le flou qui est toujours. C'est la manifestation d'énergie, la polarité. Mais l'énergie elle-même est en dehors de la polarité. Qu'est-ce qui fait? Alors, sur le plan matériel, quand tu rencontres une femme, tu passes par la forme. Elle a des beaux yeux, elle a des jambes droites. Ça, c'est l'énergie transposée dans une forme pour te faire la vouloir. Tu comprends? C'est originé d'ailleurs. Mais cette énergie-là fait partie de toi. Mais tu ne sais pas ça. Fait qu'automatiquement, tu penses que tu es attiré à la femme parce qu'elle a les jambes droites. C'est pas parce qu'elle a les jambes droites que tu es attiré à la femme. Mais c'est parce que l'énergie se manifeste comme ça pour que tu puisses être attiré à elle. Ça, c'est un des plus grands secrets de la personnalité de l'homme ou de la femme. C'est pour ça que je dis des fois, quand on se conscientise, on s'aperçoit d'une chose, qu'on n'est rien. Quand je dis qu'on n'est rien, je ne veux pas dire qu'on n'est rien. Je veux dire qu'on n'est pas ce qu'on pense qu'on est. Puis quand on n'est pas ce qu'on pense qu'on est, on n'est rien. Parce que pour être rien, il ne faut pas pouvoir penser. Puis pas pouvoir penser, ça implique qu'on ne peut pas analyser notre caractère et notre personnalité. Fait qu'automatiquement, on n'est rien. On est autre chose. Et cette autre chose que l'on est invisible à nos yeux. Et c'est de ça dont on vit. Mais ça, c'est la raison pour laquelle j'explique le mystère de l'homme puis de la femme, puis le mystère du couple, puis la raison derrière la nature du couple. C'est pour faire comprendre à l'ego que l'ego n'est rien. Parce que quand je fais réaliser à l'ego que l'ego n'est rien, je fais prendre conscience à l'homme qu'il est autre chose et que cette autre chose qu'il est ne doit pas être connue de lui quand il est dans la matière. C'est pour ça que les gens qui s'intéressent aux vies antérieures ou les gens qui s'intéressent à leur ce qu'ils sont occultement, c'est une perte d'énergie. Parce que ce qu'ils sont n'est pas une ligne directe entre ce qu'ils prévoient être et leur énergie, mais est une ligne indirecte qui fait partie de l'illusion de leur ego et de la forme dont se sert leur ego pour s'apprivoiser un destin quelconque qui est totalement en dehors du réel qu'ils vivront dans les terres. Laisse-moi finir quelques minutes, tu reviendras parce que je ne veux pas parler de cette fille-là. C'est dur à comprendre. Moi-même, j'ai la misère à comprendre. Plus on avance dans le temps, plus on apprend à comprendre l'inverse de ce qu'on conçoit comme étant approximativement réel, notre personnalité. Et ça, ça fait vibrer en nous notre mémoire. Puis lorsque notre mémoire vibre en nous, automatiquement, on a tendance à avoir des réactions. Puis les réactions viendront dans les semaines qui viennent. Vous allez en avoir des réactions. Vous allez réaliser dans les semaines qui viennent des parties de vous-même qui ne sont pas le résultat direct de ce que vous pouvez vous imaginer de vous-même. Puis il y en a parmi vous autres qui allaient être pas mal surpris. Puis quand vous n'aurez, puis vous comprendrez ce que je veux dire, vous m'en parlerez. On doit substituer dans le matériel les connaissances pratiques de l'homme pour les connaissances infinies de l'esprit, afin que l'homme puisse disparaître devant lui-même et devenir simplement un vide, où il puisse vivre, laisser passer, canaliser l'énergie de l'esprit. Puis on rentre dans les années 82 pas mal dans cette phase-là. Dans les années 82, ça va être nécessaire pour moi de vous parler d'une telle façon ou d'une façon tellement abstraite que votre mental ne pourra pas supporter le poids de ce que ça va faire comme rebound, comme feedback. C'est justement cette énergie-là qui fait partie de vous autres dans l'autre. Juste pour les coupes. De sorte que les coupes en 82 vont s'unir ou se diviser. Ce temps-là vient, il commence bien vite. Là. Les coupes vont s'unir ou se diviser. Parce que les couples ne pourront pas subir la tension vibratoire de l'aliénation de leur réalité. Alors, si moi je suis pas ma femme, puis ma femme n'est pas moi et ses autres plans, au niveau des personnalités, il y a une division qui doit se faire. Ça, c'est les lois occultes de la lumière qu'on va comprendre dans les mois qui viennent. Tu veux dire la prise de conscience? Ça fait partie de la prise de conscience. Mais à un niveau occulte, mais vécu dans le matériel, vibratoirement. Oui. Fait que ça va se manifester dans vos vies de deux façons. Vous allez réaliser que il y a peut-être des illusions derrière le fait que vous pensez que votre principe opposé, c'est votre mari pour toujours ou votre femme pour toujours. Ceux qui ne vivront pas cette tension-là, pas trop d'aide. Mais ceux qui vont vivre cette tension-là, il y aura un ajustement à faire. Les lois de la lumière sont tellement parfaites que lorsqu'elles sont vécues au niveau de l'expérience de l'homme, au niveau de la personnalité de l'homme, elles sont difficiles à supporter. Parce qu'elles sont tellement parfaites. Mais si elles sont supportées et supportables et que l'homme passe à travers et que l'homme voit, à ce moment-là, c'est un autre acheminement qui se fait. Votre contrepartie? C'est en rencontrant sa contrepartie sur le plan matériel. Les événements viennent, tu le sais. Autrement dit, il y a une contrepartie sur le plan matériel qui est finalisable. Dans la mesure où la chaîne, où tout doit être bouclé, il y en a une. Wow. Nagel. Non, aucune. Pas dans l'évolution, la vie supplémentaire. Dans l'évolution, oui. Mais dans l'évolution, non. Dans l'évolution, quelque part dans le temps, un homme doit rencontrer une femme avec laquelle ils sont en harmonie vibratoire dans l'esprit. Et vice-versa. Parce que c'est justement cette rencontre-là qui permet éventuellement dans l'éther la réunion des deux principes. Et l'union totale de ces deux principes-là. Ça veut-tu dire qu'en venant au monde, un homme et une femme, ils sont déjà dans le complément? Ils doivent se retrouver. Ils doivent se retrouver, oui. Puis il y en a une quelque part, vous ne le savez pas, mais il y en a une quelque part. Tu peux trouver n'importe où, en Amérique du Sud, aux États-Unis, un restaurant, une toilette, n'importe où. Ça peut être n'importe quelle race aussi. Puis elle sera jamais, elle sera. Si vous êtes inconscient, vous la rencontrez par le truchement naturel de l'évolution de l'homme. Mais une fois que vous êtes conscient, vous la rencontrerez par le truchement de l'esprit. Quand tu es conscient, mais tu passes par les formes, les formes naturelles. Mais quand tu es conscient, tu passes plus par les formes naturelles. C'est une autre façon que tu es amené à cet homme ou à cette femme-là. C'est pas un transfert de plan. Pardon? Quand t'as arrivé, c'est une prise de conscience, un transfert de plan. C'est une prise de conscience, automatiquement. Mais il y a deux façons. Quand vous êtes inconscient, comme toi, tu as rencontré ta femme il y a bien des années, tu as passé par le truchement naturel, bon. Mais quand tu es conscient, tu ne peux plus passer par ces truchements-là parce que tu n'as plus la même énergie. Ah. C'est totalement par le biais de l'esprit, puis vous savez pas quand, puis d'un coup, whoop, une connexion qui se fait. Ouais. Fait que chaque. Même quand il se connaît sa peau, lui, il est sa femme, puis elle est. C'est ça. Il y a 800 000. Il manque pas de rire, ouais. Tu vas voir, c'est des cas de même. Il dit, le gars va chercher sa femme quelque part, elle vient nulle part. Mais une fois que vous êtes conscient, ça va d'une autre façon, c'est que vous ne pouvez pas vous passer, vous passez pas par les mêmes détours. Ils sont plus voilés, les détours. Puis vous ne pouvez pas y voir. C'est par rapport à l'enfant, c'est un peu de la. Dès qu'il y a un enfant, quand il y a un enfant, il y a un enfant. Que les gens qui sont là, sinon c'est pas mieux. Pour l'enfant. Oui. Pour l'enfant. L'ego perdrait de l'énergie, c'est quoi? Si l'ego réalisait, il perdrait de l'énergie. Ça représenterait quoi, cette perte d'énergie? Une crise d'identité totale. Parce qu'il serait obligé de substituer dans la matière la mémoire. Bruno, il ne pourra pas faire ça. Mm. Parce que c'est la mémoire de l'ego qui permet de maintenir un certain équilibre. Quand tu perds ta mémoire... Non, parce que vous ne le réalisez pas. Vous le savez parce que je vous explique le principe, mais vous ne le réalisez pas. Mais le fait que je vous l'explique, ça va amener des changements vibratoires. Tout ce que je vous dis, c'est... Parce que vous ne pouvez pas savoir quelque chose puis pas vivre l'expérience résultante de ça. Tu mets du charbon dans le feu, mais la flamme va monter. Moi, je mets du charbon dans le feu, l'esprit, la flamme monte. Il y a une évolution qui se fait. Vraiment, tu parles de la crise au niveau de la prise de conscience. Le phénomène des transsexuels, est-ce que ça rentre dans le même bateau? Non. Les transsexuels sont des êtres qui refusent de pouvoir s'adapter à la condition opposée. En refusant de s'adapter à la condition opposée, ils sont obligés de la vivre dans le matériel. De là, leur transsexualité. Et ils se refusent de la vivre au niveau de leur ego. C'est pour ça que c'est si important pour un ego d'être évolué. Puis pour un ego d'être évolué, ça implique plusieurs choses. Pour qu'un âme soit évolué, faut que l'ego lui ait servi énormément au cours des expériences. Mais pour qu'un ego soit évolué, il faut qu'il ait très bien compris les lois de l'évolution quand il était dans les terres, dans la mort. Puis dans la mort, il y a beaucoup d'égos qui perdent leur temps, qui s'amusent, qui niaisent, comme il y a des égos qui étudient. Et l'avantage d'un ego dans la mort, c'est d'étudier, puis d'aller dans les archives, puis dans les librairies, et d'étudier le plus possible son plan de vie. Pour se constituer un meilleur plan de vie dans son retour. Mais les égos n'ont pas toute la même maturité. C'est pour ça qu'on retrouve dans les égos évolués sur la Terre le goût de la recherche. Rechercher, se découvrir, se comprendre, ça fait toute partie de cette tendance naturelle de l'ego dans les plans de la mort, de chercher et d'étudier. Puis quand tu reviens sur la terre, bien, t'as encore ça, cette recherche-là, jusqu'à temps que tu comprennes qu'il n'y a rien à chercher, que tout est là. Ça, c'est le contact avec les autres. C'est pour ça que je dis souvent, c'est très important à l'homme de tout comprendre, de tout pouvoir comprendre, pour pouvoir tout canaliser ce qu'il est. De tout faire descendre en lui ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est la mémoire de l'âme. Dont il est, lui, une manifestation matérielle, mais opposée en essence sur les autres plans. C'est pour ça qu'il est dit dans les textes occultes, il n'est pas bon à l'homme de vivre seul. Qu'est-ce qui arrive maintenant à la personne qui vit seule? Je vis tout seul. Quand je dis qu'il n'est pas bon à l'homme de vivre seul, je veux dire qu'il n'est pas bon à l'homme de vivre seul. Si l'homme vit seul, c'est parce qu'il a de l'expérience à vivre. Si l'homme vit seul, c'est parce qu'il y a une partie de lui-même qui n'est pas suffisamment ajustée pour qu'il vive avec un autre. Si l'homme vit seul, si la femme vit seule, c'est parce qu'il y a une partie de lui-même ou d'elle-même qui n'est pas ajustée pour qu'elle vive ou qu'il vive avec un autre. Éventuellement, cette partie-là, il faut qu'elle s'ajuste. Dans une vie ou dans un autre, il faut qu'elle s'ajuste. C'est pas bon à l'homme de vivre seul. Quand tu arrives à un certain âge, tu décides de vivre seul, c'est parce que tu as pris la décision de vivre seul. Tu n'en souffres plus. Mais tant que t'en souffres, t'as quelque chose à apprendre. Tu vis pas seul. Non. D'abord, tu pourras pas vivre seul. Non, mais... T'es seul? Non, seul, je parle. Tu comprends ce que je dis, seul. C'est bien subtil, l'affaire de vivre seul. Je sais ce que je veux dire. Mais là, c'est parce que moi, je dis seul, parce qu'on est deux dans la maison, mais en réalité, elle vit seule. Ah, tu vis pas seule. Tu vis pas seule. Vivre seule, ça veut dire vivre seule. Que tu vives avec un serin, tu vis pas seul. Mais c'est pas ça que je veux dire. Mais je sais ce que je veux dire. Je sais tout ce que je veux dire. Je vous laisse le reste le choix. Qu'on rentre. Moi, je sais ce que je veux dire. Il n'y a pas un homme qui veut vivre seul, puis il n'y a pas une femme qui veut vivre seule. Pas vrai. Mais un homme vit seul ou une femme vit seule parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec un autre. Puis ils ne peuvent pas vivre avec un autre parce qu'une partie d'eux-mêmes qui ne peut pas s'ajuster à un autre. Je parle pas des conditions de vie qui font qu'une personne a un certain âge, je peux pas tout recommencer à chez Bang, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire le côté intelligent de ce que je veux dire. Pas le côté explicatif ou existentiel ou événemental. C'est évident qu'on va pas demander à ma mère de vivre seule avec quelqu'un. Mais je sais que ma mère, elle a manqué le bateau quelque part dans le temps. Si elle avait vécu avec quelqu'un, ça l'aurait impliqué qu'elle aurait eu quelque chose de plus flexible en elle qui aurait permis de vivre avec quelqu'un, ce qui aurait donné plus d'agrément dans la vie. Mais là, tu parles, OK, tu dis l'homme, la femme, OK? Mais disons qu'on est des amis. Je ne joue pas ces mots. Bon, vous aimez mots. Est-ce qu'il peut y avoir une complémentarité chez les... Laisse finir ce qu'elle veut dire. Ouais, mais moi, là, bon, ben, on peut faire de l'homosexualité, mais on peut pas de l'homosexualité. C'est le même principe. Mais là, un homme homosexuel qui vit avec un homosexuel, il vit pas ça. Mais ils peuvent pas changer de polarité. Ils peuvent très bien changer de polarité. Les deux du même bord. Pourquoi pas? Un homme peut être l'autre homme, puis l'autre homme peut être l'autre homme. Le problème de l'homosexualité, c'est un problème psychologique, c'est le problème du monde. Mais je parle de vivre avec un autre. C'est bien occulte l'affaire de vivre avec quelqu'un. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, tu es obligé de t'enlever à toi pour donner à lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu vis avec quelqu'un, tu ne peux pas vivre ta vie comme tu voudrais. C'est subtil ce que je dis. Quand tu vis avec quelqu'un, tu vis toujours pour créer un équilibre. Une complémentarité. Puis dans cette complémentarité-là, s'il y a un équilibre, là c'est plaisant de vivre avec quelqu'un. S'il n'y a pas, ça peut être l'enfer. Mais quand tu peux pas faire de même maintenant? Quoi? De réussir. C'est vous autres qui le savez! Pas parce que je le veux. Non, je veux pas faire un tribunal, c'est là. Je dis vous autres, vous le savez. Si vous le savez pas, moi je le sais. Mais ce que je sais, c'est pas important. C'est ce que vous savez pas qui est important. Non. Non. Non. Vivre avec quelqu'un, deux sœurs, par exemple. Hein? Deux sœurs qui vivent ensemble. Oui. Okay? Oui. Bon, il y en a encore. Bon, ils ont décidé de faire leur vie. Pas pareil. Seule. Non. Puis, c'est une convénience, deux sœurs qui vivent ensemble. C'est une convénience. Convénience. Une est conveniente à l'autre. C'est un arrangement. Vivre avec un autre, ça veut dire être obligé de donner à l'autre. Être obligé de donner à l'autre. Où il y a obligation, il y a transformation de la mémoire. Puis un raccordement ces autres-là. Ça, c'est une des raisons occultes pourquoi l'Église a toujours été contre la séparation des couples. L'Église, dans sa science intuitive, a raison. Mais elle ne comprend pas. Parfaitement. En fait, que ce soit n'importe quelle femme, supposons un gars, là, mais si le fait qu'ils vivent ensemble, que ce soit ou non décidé d'avance, là, c'est le fait qu'ils partagent, comme tu dis, qu'ils soient obligés de donner, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné... C'est ça qui est important. Pas une question de tout. Moi, ma femme, je suis obligé d'acheter des bas de nylon, puis des robes, puis des jupes, puis des ci, puis des ça, au lieu de m'acheter une raquette de tennis. Par contre, elle peut t'acheter une belle raquette de tennis. Avec mon argent. Mais ça arrive dans un couple que l'homme et la femme travaille et puis que l'homme ne la compte pas, comme tu viens de dire, quand tu achètes des bonnes à ta femme et que le mari achète ici à sa femme. Même si la femme adonne à l'homme, c'est jamais de la même façon que l'homme donne à la femme, parce que dans la loi du couple, c'est l'homme qui doit supporter la femme. Et qu'est-ce qui arrive dans le couple ouvert, parce que quand c'est la femme qui supporte? Ils ont plus d'argent en bas. Si c'est la femme qui supporte l'homme, ouais, c'est temporaire. Il n'y a pas une femme qui va supporter un homme toute sa vie. Pas vrai. Trouvez-moi dans l'angle, j'en connais pas. Vous connaissez où? Trouvez-moi dans l'angle? Ben, l'homme et la femme travaillent tout ça. C'est kiff kiff. Tombez pas dans... Et comprenez ce que je veux dire, là, parce que vous avez fini, là. Comprenez ce que je veux dire. Demande à une femme... Prends une femme, là. Prends un homme qui travaille, qui fait un bon salaire. Puis une femme qui a des enfants, qui les envoie à l'école, petit patata. Puis dans le fond intérieur de la femme, supposons que le gars peut survenir, c'est parce que c'est à cause des conditions économiques que les femmes travaillent. Si tu n'as pas des conditions économiques, que les couples sont obligés de travailler ensemble, la femme, elle sera très bien avec ses enfants. Mais je définis avec qui de me dire le contraire. Les féministes, on pourrait dire. Les féministes, ce sont des femmes qui devancent leur temps. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont obligées de souffrir la condition historique de l'homme au niveau psychologique pour remplir des fonctions d'avenir, mais qui, dans leur personnalité aujourd'hui, sont malheureuses et sont seules. Les féministes sont des femmes seules, parce qu'ils veulent, mais ils veulent pas. OK, mais je parlais pas aussi extrémiste que ça. Je parlais comme je connais bien des étudiants ou des nouveaux travailleurs, là, que la femme travaille puis le mari travaille, tu sais, c'est pas en mathématiques. C'est une entente mutuelle. C'est une entente mutuelle. C'est pas aussi bon au niveau éthérique, là, je veux dire. C'est une entente mutuelle. Mais où il y a une entente mutuelle entre un homme et une femme, tant que la femme est willing, ça marche. Parce que c'est toujours l'homme qui bénéficie. C'est bien subtil, cette affaire-là. L'homme a la force physique, il a le mental pour construire et développer, et la femme pour procréer des enfants. Et c'est la responsabilité de l'homme de prendre soin de sa femme, comme c'est la responsabilité de la femme d'être bonne compagne à l'homme. Et si la femme et l'homme sont tous les deux équilibrés dans leur mental, dans leur émotionnel, dans leur vie, à ce moment-là, ils se complaisent très bien dans leur vie. Mais il y a toujours des manques dans un et dans l'autre, c'est pour ça que les femmes et les hommes ne sont pas heureux dans leur genre de vie, ils en cherchent d'autres. Moi, si tu savais que ma femme ne fait absolument rien à la maison, excepté le linge, puis la petite quand elle arrive de l'école, puis elle est avec la petite toute la journée, puis elle va se pavaner dans les magasins, puis elle regarde, puis elle se minouche, puis les petits rouges à lèvres là, puis elle se regarde là. Non, elle aime ça. Parce que ça fait partie de la nature de femme. Puis elle, son plaisir, c'est d'être plaisante. Puis propre, puis jolie, et ainsi de suite. Ça fait partie de sa nature. OK, mais ma mère... Puis elle aime ça inviter du monde chez... C'est sa vie, c'est de mec. Notre famille, c'est différent, parce que ma mère, elle fait de la musique. Et puis, tu sais, ce type de femme-là... Ouais, là, mais je veux pas commencer dans vos mails, vos belles mails. Je vous explique des principes universels de conscience féminine et de conscience masculine. Le reste, c'est toutes des dégradations de ça. Des magnifiques... C'est pas une évolution, c'est une dévolution. Non. Ce que je veux dire, c'est que la femme consciente, elle a sa conscience de femme. Puis l'homme conscient, il a sa conscience d'homme, et les deux se complémentent parfaitement. Le reste, c'est tout de la bouillabaisse. Tu vas prendre une femme qui se poponne, qui se tamponne, qui se minouche. Quand le gars arrive chez eux le soir et qu'il voit sa femme belle, il oublie sa job. Ou il rencontre son chum sur la rue et il dit, je te présente ma femme, elle n'a pas l'air de me dévergonder. Elle est propre puis elle est plaisante. Ça fait plaisir. Elle y donne quelque chose. Puis les femmes passent bien plus de temps dans le miroir pour l'homme qu'on s'imagine, Charlie. Puis il y a bien des hommes qui ne le réalisent pas, puis les femmes, ça leur fait de la peine. Fait qu'éventuellement, ils se découragent. Une femme, c'est comme une fleur, il faut que ça soit encouragé, puis que ça soit maintenu tout le temps. C'est une femme. Une femme, c'est une fleur très délicate. Puis les hommes sont très brutales, et les hommes sont encore dans le karma mondial de la femme. Puis les femmes, les hommes vont payer le pot, vont payer le prix pour. C'est moi de le dire. Il y a quelque chose que je sens dans ça, que je trouve intéressant là, dans ta relation avec la femme, c'est pas que je vois souvent un sens critique de l'homme envers la femme. Tout ce qui compte, c'est que ta femme, elle se sent bien dans ce qu'elle développe, dans ce qu'elle est. Toi, c'est ça qui fait que tu te sens mieux, ce que ta femme fait. Pas dire ma femme a fait ci, elle fait ça, toujours le sens critique. Mais elle se sent bien dans ça, fait que tu te sens bien avec elle, parce qu'elle, c'est ça. Ma femme, faut qu'elle soit bien. Il manque elle bien, elle bien. Si elle est bien, elle arrange le mien, moi, tant mieux. Si elle est bien à se pomponner, elle est dans le magasin. Elle a son identité. Elle est assez mûre pour connaître ce qu'elle veut. Voilà. C'est de la créativité. C'est ça. Oh, mais ça, elle étudie en médecine. Tu fais des heures. C'est meilleur que moi à l'école. En tout cas, j'ai dit ce que je voulais dire. Je veux pas rentrer là-dedans parce que ça fait finir comme une polémique. C'est un principe universel qui m'intéresse. Mais tout ce que je veux dire, c'est que l'homme reçoit de la femme, puis la femme reçoit de l'homme. La femme reçoit la sécurité de l'homme, puis l'homme reçoit la compagnie plaisante, parfumée. On se sent pas obligé de donner à l'autre. C'est naturel qu'on donne à l'autre. Il faut faire attention de ne pas faire de philosophie. Et là, il dit que on peut facilement... Il dit que si on est conscient et que notre femme est consciente et qu'on donne à notre femme, c'est le mouvement de l'énergie, c'est la boucle. C'est une boucle. Ça crée un courant de vos bords. Une boucle. Quand on commence à parler de ces affaires-là, il faut bien peser ce qu'on dit. Parce que là, on peut dévier facilement. Ouais, on tourne dans les interprétations. La clôture, trop grande compréhension. Ouais. Dans ce que tu dis, là, finalement, ce qui nous fait plaisir, c'est créatif. Ce qui nous fait plaisir, c'est toujours créatif. Même si c'est apparemment niaiseux. C'est toujours créatif. Même si une femme se pomponne, c'est créatif. Parce que si elle se m'appelle, c'est créatif. C'est de l'art. Toi, tu profites de sa créativité en la regardant. Tu bénéficies de. Ah, okay. Oui. Dans le même temps. Continue donc. Il vient dans le temps. Le complément de quoi? Mon complément. Ouais. bien dans mon même plan de réincarnation. Je suis venu dans un autre plan. Ah oui, je comprends. Tu veux pas manquer ton coup? Tu peux pas rien faire, là. Désolé. Mais dis tête à tête. Il a pas dit tête à tête. Il a dit tête à tête. Mais en tout cas, réfléchissez ça. Moi, je vous dis ça, là, ben, je comprends pas pourquoi est-ce que je vous dis ça. Il faut que je vous le dise anyway. Mais ça va servir. Ça va servir au niveau de l'énergie. C'est tout au niveau de l'énergie. Ce que je vous dis, c'est tout au niveau de l'énergie que ça vous sert. C'est jamais au niveau de la forme. C'est effrayant. C'est effrayant. Jusqu'à quel point on ignore les choses. C'est pour ça que je dis que c'est si important pour nous autres d'être dans notre intelligence. Puis je ne dis pas si c'est effrayant jusqu'à quel point on est ignorant, parce que je t'ai déjà dit. Mais jusqu'à quel point on ignore des choses. Autrement dit, je pars du principe qu'on est moins ignorant et qu'on avance, qu'on ignore. C'est infini, le cosmos. Puis tout est énergie. Une fois qu'on sort de la matière, tout est énergie. Là, la vie commence à être intéressante, une fois qu'on sort de la matière, oui. Oui, oui. Oui. Mais ils disent qu'une raison pour laquelle je vous explique ça, c'est pour qu'on puisse comprendre par comparaison les valeurs anciennes de notre civilisation. Ça, c'est une des raisons. Parce que c'est facile pour nous autres de tomber dans le sentiment de la forme créée dans notre civilisation et de perdre de vue la réalité vibratoire de notre intelligence. Là, c'est parce que je parle du cas. La réalité vibratoire de notre intelligence, puis la réalité vibratoire de l'intelligence de la femme. Un jour, tu as dit que dans le sixième race, la femme se révèle. La femme, c'est le canal. La femme, c'est le canal par lequel passera les forces constructives de la sixième race. Regardez le pourcentage de femmes dans la salle. Vous allez voir. Puis c'est le même à toutes les sessions, dans tous les séminaires, tout partout. Tu as dit aussi que la femme serait la sécurité de l'homme dans le changement ici. Je sais pas. Oh, j'ai pas dit ça. J'ai dit quelque chose d'autre. Les choses, la phrase, c'est que la femme serait la sécurité de l'homme. On a parlé de sa femme, elle est là. La femme devient le baromètre de l'homme. Qui devient la sécurité de l'homme? Parce qu'une femme intelligente, là, je veux dire une femme intelligente. Quand je dis une femme intelligente, je veux dire une femme consciente. Une femme consciente, ça ne tombe pas dans les trappes de l'ego que l'homme peut vivre. Une femme, regarde ça, c'est subtil, c'est effrayant. C'est effrayant. Il dit qu'une femme, c'est plus intelligent qu'un homme. C'est au bout. Une femme, c'est plus intelligent qu'un homme. Oui, parce qu'une femme, c'est un homme. Elle a la réponse. C'est au bout, hein? Une femme, ça, je te le dis à toi, parce qu'on va en parler après. Une femme, c'est plus intelligent qu'un homme. Parce que la femme, c'est l'homme. C'est effrayant, hein? Comment est-ce que c'est parfait les lois de l'évolution? Puis les lois de l'énergie. Nous autres, on apparaît intelligent parce qu'on comprend. Puis on parle. Mais les femmes, ça c'est bien subtil. Il dit qu'à un certain point, là, je suis plus capable de parler parce que je tombe dans des nuances de l'esprit. Là, là à ce moment-là, là, si je parle trop, ben là, je tombe dans la forme. C'est comme si je ne suis pas capable d'aller plus loin avec des mots. Tu comprends? Quand je ne suis plus capable d'aller plus loin avec des mots, là, c'est final. Là, ça s'arrête là, c'est coupé sec, là. Puis je peux plus aller. Sans ça, là, ça, je démolis tout ce que j'ai dit. Mais quand je dis que la femme est plus intelligente que l'homme, je dis que la femme est plus intelligente que l'homme. C'est pas pour flatter les femmes, ils disent qu'ils nous disent ça. Ça, c'est au bout, ça, c'est la première fois qu'ils me disent ça. Tu comprends tout ça, toi? La femme, c'est la sécurité de l'homme. C'est son baromètre. Si l'homme n'avait pas la femme, ça serait le bordel sur la planète. Pourquoi qu'il fusionne les hommes? Pourquoi est-ce qu'il fusionne les hommes? Parce que les hommes ont des systèmes plus résistants à l'énergie. La fusion, c'est pas un signe d'intelligence. L'esprit peut naître d'un corps mort comme d'un corps femelle. Mais là, ça, je l'aime bien, cette affaire-là. Puis je vais essayer de la développer éventuellement. Que la femme est plus intelligente que l'homme. Je te dis que les féministes vont m'aimer là tout à l'heure. Ça sera pas ça que je veux dire. Moi, là, dans mon... Tu sais, quand je te dis, Daniel, je peux pas penser à ce que je sais, là. Si je pensais à ce que je sais, je pèterais parce que c'était... C'est ça. Tu commences à penser à ça, là. Tu tombes dans les mystères de l'esprit, là, tu sais. Tu capotes. Là, t'as besoin de ta femme, toujours. Même le fait d'avoir... Rien que le fait d'avoir dit ça, là, la femme est plus intelligente que l'homme, là. Parce que moi, je fonctionne dans le réel. Fait que je fonctionne pas dans la psychologie. Ça me crée une tension. Il y a une tension, là... Je suis obligé de la vivre, cette tension-là, parce que faut que je la vive jusqu'à temps que je le développe pas puis que je le comprenne pas. Complètement. Faut que je le comprenne complètement, autrement dit, faut que je le perde complètement. Sans ça, j'ai une tension, parce qu'il y a quelque chose derrière ça. Il y a un mystère derrière ça que je comprends pas. Ouais. Dans mon travail, pendant 17 ans, j'ai installé la base de mon professionnel sur le fait de multiplier les apprenants. Avec une femme, s'il était capable de développer sa femme, c'est-à-dire de donner à sa femme plutôt la chance de se développer, toute sa créativité pouvait prendre une expansion. Et puis à ce moment-là, c'est que s'il pouvait décoder ce que sa femme sentait de l'existence, de son environnement, s'il réussissait à le décoder et puis à créer quelque chose avec ça, automatiquement, il se développait à une vitesse exponentielle. Qu'on fait, en consultation, je pouvais définir la structure professionnelle et le vécu des individus dans son côté extérieur, social, comme on dit, par la façon dont il se comportait dans sa structure. Et plus il développait une force à l'intérieur de sa structure de groupe, plus il donnait de la chance à son groupe de prendre du mouvement, de la liberté et de l'espace, plus automatiquement son intelligence. L'intelligence de l'autre, par conséquent, était hyper active, dynamique, et ça allait pas trop. OK. Pour compléter ce que tu dis, je vais te dire une chose. Sais-tu qui c'est qui a mis un terme à mon initiation? C'est ma femme. C'est-tu au bout? C'est ma femme qui a mis le terme à mon initiation. Si j'avais pas été marié, moi, là, aujourd'hui, je souffrirais encore de l'initiation. C'est ma femme qui a mis le terme à mon initiation. Elle m'a donné un ultimatum un jour. Elle dit, c'est soit eux autres ou c'est moi. Fait que je choisis. Elle t'a rendu forte, là. C'est ma femme qui a mis terme. Puis à partir de ce moment-là, ils m'ont dit, écoute toujours ta femme. Ta femme, c'est ta seule protection parce que tout est ouvert à nous autres, t'es un canal. On peut te faire ce qu'on veut. Fait que si tu veux vivre sur le plan matériel puis arrêter de souffrir, écoute toujours ta femme. C'est au bout. Parce que moi, je suis pas capable de penser. Fait que ma femme, elle, inquiète pas, ça fonctionne. C'est ma sécurité. Fait qu'elle a de la maudite intelligence. Puis j'ai dit la semaine passée, elle m'a sorti une affaire la semaine passée. J'ai dit, maudit que t'es pas intelligent. Ben, elle dit, ben oui. Elle dit, mon intuition est parfaite. Puis ils disent que quand on dit que la femme est plus intelligente que l'homme, on veut dire que la femme est plus capable d'absorber le réel que l'homme. Est plus réaliste. C'est ça, le sens pratique. Le sens pratique. Puis il dit que pour comprendre ça, il faut sortir complètement de notre enveloppe, de notre personnalité mâle ou femelle. Il faut comprendre le principe actif de l'énergie dans les centres sensibles de cet être-là qu'on appelle la femme. Parce que nous autres, c'est difficile pour nous autres de nous voir. Moi c'est capable. Moi, c'est plus facile parce que je ne suis pas capable de penser. Fait que me voir, moi, en tant qu'homme, en tant que femme, pour moi, faire le changement, pour moi, c'est facile parce que je peux sortir complètement de ma personnalité. Fonctionner en tant qu'esprit. Mais quand on est dans la matière et qu'on est dans la personnalité de l'homme, on se sent dedans. T'sais. L'homme. Puis la femme. C'est pour ça, probablement, que je peux le comprendre, ça, parce que je peux sortir de ça, de cette personnalité d'homme-là, complètement, pour être fonctionner un grand esprit, puis pour pouvoir éclairer la personnalité de l'homme et de la femme. Non, non, non.